So, as we were saying, you're listening to Nuisances, vous écoutez Nuisance à l'heure actuelle. Vous êtes à bord pour à peu près 1 heure et 40 minutes, peut-être. Un peu moins ou plus, qui sait. Tout ça donc dans le but, le pénultième but, de nuire. La nuisance, toujours. Et pour toujours et partout, jour, la nuisance jour après jour. C'est ici qu'on la trouve. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Le téléphone, le 05 61 53 36 95. Vous savez bien qu'il faut pas appeler, c'est interdit par la loi. Ça coûte de l'argent aux contribuables. Merci, cher. Je sais pas quoi. Rien de gratuit. Hein. Ouais, cher. En fait, c'est sur une terre. Cher, non, c'est vrai, je suis la chair aussi. Cher. Excuse-moi, j'ai t'embrouillé. Tu peux me passer ton. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, attends, je te le passe tout de suite. Par contre, tu as fumé dehors. Hein. Tu sais bien que c'est interdit de fumer dans les lieux publics ici. C'est un lieu public ici. Ah oui, je me demandais en fait si comment ça s'appelle. J'ai vu une com qui, comment s'appelle, une évangéliste qui, ouais. Une évangéliste, qui fumait devant l'entrée de l'église. Et en fait, je me disais, ah ouais, c'est trop naze, même dans les églises maintenant, tu peux plus fumer. Bah ouais, c'est nul, ça, ouais, c'est clair. Nul. Parce qu'avant, les curés, ils fumaient la pipe dans les, tu sais, les trucs derrière, ouais, là. Ouais, ouais, dans les, comment, avec les avec garçons, les garçons de garçons messe. Bouchés, là. Ouais. Et les garçons bouchés aussi, sûr. Ouais, les garçons bouchés, ils fumaient la pipe aussi. Mais je suis pas sûr, en fait, pour les garçons bouchés. Mais en tout cas, les enfants de messe, là, ouais, comme tu dis, eux, c'est clair que oui. Il fumait la pipe avec le curé. Ouais. Il paraît, hein, c'est les autres qui disent ça, tu sais. Ouais. Ouais, moi aussi je sais. Mais surtout au Québec et même aux États-Unis, il paraît. Ah ouais, non mais. Québec, Pologne, Pologne. On en parle trop en ce moment, c'est. Pologne. C'est comme le sida en fait, on entend tellement parler de ça. On entend ah tellement ben, parler du ouais. sida. Et de l'hépatite B aussi. On n'en parlera pas du sida, on n'en parlera pas. Alors justement, parce que ça c'était pour. Rappeler l'émission Nuition, c'est en fait que j'ai appris que l'hépatite B c'était plus simple quand tu bricolais un peu la merde et la pisse, tu avais plus facilement le risque d'hépatite B. Ah, c'est cool. Par contre, il y a moyen de le choper, je veux dire. Voilà. Ouais. Et l'hépatite A, c'était plus à la limite, tu buvais derrière quelqu'un qui l'avait. Ah ouais, et voilà. Si tu buvais la pisse de quelqu'un qui l'avait, ça bah marche là, aussi. C'était peut-être la A et la B en même temps. Ah ouais, d'accord. La C, c'est tout de suite intraveineuse. Ah ouais. Ou ah le sexe. Ah, on avait dit que c'était chronique ou je sais pas. Là c'est comme chronique. Non, c'est là qui serait chronique. Ah bon, pardon. J'ai encore un compris. Là, c'est la plus facile à attraper en fait. Oui. Mais c'est la moins courante. En tout cas, c'est celle que comme tu la main. Peux comme la main, quoi. Attraper en. C'est ça, en serrant la main à quelqu'un par exemple. Ah voilà, c'est ça. Je savais que ça avait un rapport avec la main. Alors que l'hépatite B, ce qui est déjà plus costaud, eh ben, elle est plus difficile à attraper. Et alors là, c'est plus, encore plus, elle est encore plus costaud et encore plus difficile à attraper. Ouais. Alors, il faut que je vous explique le contexte, mesdames et messieurs. En fait, il se trouve que on est dans une radio associative, on a besoin de fonds. Donc, on est en train de demander du soutien à des fonds de soutien. Et pour ça, donc, il faut informer les gens, tout ça. Donc, on vous informe sur les risques, quoi. Vous savez que vous risquez la mort. Hein. Eh oui, parce qu'en fait, je repensais, j'ai écouté une autre radio sur la bande FM, là, cet après-midi. Oh non. Et en fin de soirée, et en fait le mec il disait ouais pareil, il parlait de bénévolat et tout machin, et que les mecs qui étaient dans les radios associatives, et ben en fait ils faisaient autre chose dans la vie que faire que de la radio. Non. Donc en fait parfois ils oubliaient de préparer leur speech. Ah non, ça c'est honteux ça. Moi jamais j'oublierai. Pardon, jamais. On n'a pas le droit de dire speech puisque. Speech, c'est faut vous rappeler quand même, justement on est pour vous mettre en garde, mais que depuis la loi Allgood, normalement en France, on n'a pas le droit de parler autre que dans les lieux privés. Une langue qui utilise des américanismes, des yankismes, ou des. Comment ça s'appelle? Ou des francismes en anglais. Si on n'a pas le droit de parler en anglicisme en français, on ne peut pas parler de francisme en anglais, quoi. Voilà. On est d'accord. Hein. Ce ne serait pas du racisme, ça, par hasard? Peut-être. Ou du languisme. Ouais. Ouais. Quelle langueur, hein, toi. Bon, ça va être une émission de merde, hein, j'espère que vous le savez, quoi, parce que le patron est pas là, le chef est parti. Donc nous on improvise, on essaie sous fifre, n'est-ce pas? Les petits lutins de la comment? De Blanche-Neige. De la connerie, les petits lutins de la connerie, c'est nous. Donc bienvenue dans le monde merveilleux de la merde. N'oubliez pas, Nuisance est là pour vous faire chier. sinon il n'y aurait plus de raison d'être. Quoi, ouais, parce terme. Que pour enregistrer, il faut mettre votre clé USB dans le logement de clé USB. Ouais, la clé CUL. CUL. Il faut savoir où ça se met. Quoi. C'est ça, être Yankee. USB. Ouais, USB, c'est un anglicisme en fait, parce qu'on dit Q, ça se dit USB en anglais. Tu sais, USB. Have you had a good USB today? Tu sais, ou un truc comme ça. Tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est souvent que les Anglais se disent Oh, you filthy USB. Et en fait, ça veut dire espèce de sale cul. D'accord. Voilà. Ah, c'est comme il y a une subtilité québécoise qui est ouais, assez voilà, géniale. C'est qu'en fait, par exemple, pour dire baiser, mais dis-moi pas que justement, pas vulgairement pour dire faire l'amour, ils disent fourrer. Alors ouais. Qu'en France, quand tu dis à quelqu'un, ouais, j'ai fourré une gonzesse, ça le fait moyen, quoi. Bah, ça fait un peu limite, quoi. Mais en même temps, j'aime bien l'expression québécoise, elle paraît saine d'esprit, quoi. Et de corps. Et faire broyer les gosses aussi, c'est pas mal. Ouais, et se faire marcher sur les godasses, bon ça vient. Oui, parce que ça, tu le sais. Non, pardon. Je pense que les auditeurs le savent. Non, ils savent rien, les auditeurs. Ils savent rien, tu crois? Il y en a un auditeur en moins, Québec, savoir. Les gosses, c'est les couilles. Les gosses, c'est les couilles? Ouais. Ah, j'ai les gosses qui me branlent. Non, mais c'est pour ça que c'est super cocasse. Quand des Français de base, mais quels que soient les Français, tu vois, quel que soit le niveau de langue, l'extraction sociale ou quoi que ce soit, yes. Ils disent, ouais, j'ai fait mes gosses avec ma gonzesse et puis putain je suis encore toujours avec à supporter mes gosses. Et alors les mecs là, évidemment qui que ce soit justement au Québec de n'importe quelle extraction sociale ou tu vois ou de connaissance de la langue, ils se bidonnent à mort. Ouais, parce qu'il voilà. Fait un jeu de mots sur les gamins et les gosses quoi. Enfin, et les couilles. Les couilles pardon. Voilà. Ouais. Parce qu'ils diront mes enfants, alors je suppose c'est ça. Tu vois. Le suppos c'est ça? Je suppose que eux ils. Ah pardon, non j'aime bien quand tu parles de suppositoire, il y a moyen. Ouais, peut-être le suppos, ouais. Ouais, il y a moyen, attends. Je vais mettre ça. Suppositoire c'est bien. C'est un de mes souvenirs d'enfance particulièrement heureux. Corps, Morissette. Venez. Tu dis sur Agnès Morissette? Parlez plus fort, s'il te plaît. Merde. Ça va, vous trouvez votre bonheur, monsieur? Corps, il n'est pas mort. Bah, je te prends l'ampli. Je prends la basse, la guitare. Ouais, bah vos gueules, les gars, franchement. Ouais, on dirait un check-soon dans un bar. Hein. C'est ça en plus, c'est un check-soon dans un bar. La honte. Mais quelle honte, quoi. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre? Bah, parce qu'ici, il faut le dire, on n'est pas des balances, hein. On n'est pas des poucaves ici, on est des vierges. On est vierges de tout ça. Des vierges éphémérides. Ça, on est éphémère, c'est sûr. Enfin, on détache nos pétales toutes les secondes. Ouais. Et on se chie sur les anus. Ça, c'est un peu la poésie, excuse-moi. Je suis en mode free ce soir, donc la poésie est libre. Si. Ah ouais, tu t'es pris un bain d'huile, t'es free. C'est tant que ça existe, la liberté. Si on disait la liberté, la poésie est injuste, tu vois, là au moins on serait sûr que c'est vrai, tu vois. Si on disait la poésie est free. Bah je crois que la poésie c'est quand on parle pas, quoi. Ah ouais, merde, j'ai encore foiré l'occasion de me taire. Ah putain. Comment je vais faire pour m'attraper de ça maintenant? Faut que je réfléchisse à quelque chose. Eh oui, rends pas terre. Théâtre, programme 2011-2012. Un théâtre près de chez vous. La vérité sort de la bouche des bouffons. C'est quoi les bouffons? C'est quoi la bouche? C'est quoi la vérité? C'est quoi tout ça? Oh, où suis-je? Oh, que c'est beau! Oh, que j'ai envie de me branler dessus! Oh, y'a moyen! Le stade buccal! Vas-y, ouais! Le stade buccal! Branle-toi dessus! Ça peut nous foutre! Ah bah rien, j'ai rien qui est sorti encore, mais attends un peu, ça va venir. Ah mais c'est cool, t'as vraiment des trucs à raconter toi. Je parle de moi bien sûr. Mais tu parlais de qui là? Je sais pas. Y'a moyen que tu m'encules? Ouais, s'il te plaît, vas-y. Prends-moi par le cul, s'il te plaît. Oh non, y'a quelqu'un qui arrive. Bah non, je vais y aller, t'inquiète. Par contre, tu dis rien aux auditeurs, c'est important, il faut se censurer dans la vie. Ça y est, le sous-chef, il s'est cassé. Ouais. À fond, la misanthropie. À fond, la misanthropie, ouais. Allô, gazeuse de bip. Tu leur as dit quoi? T'as rien dit quoi? Ils vont se faire chier, ils vont se faire chier. Ouais, c'est pour ça, c'est fait pour. Non, ah non, mais non, il faut leur dire des trucs, il faut leur dire vous êtes de la merde, allez vous faire enculer, la bande de bâtards, vous êtes vraiment que du foutre, tu sais, sinon ils se font chier, hein. Je te jure. Tu connais pas le concept en fait. Non, d'accord. Laisse-moi t'expliquer. Alors tu dis que de la merde et tu dis ça aux gens qui t'écoutent, tu vois. Ah, c'est un peu ça le concept en fait. Ah, d'ailleurs, quelqu'un a oublié un mini disque, si quelqu'un m'entend, quelqu'un a oublié son mini disque, donc je sais à qui c'est. C'est là, la pochette est là. Ouais, je sais à qui c'est. Ah non, c'est lui. Oh, de temps. C'est une rediff. Mais ça fait chier ça. Ah oui, c'est une rediff. Mais pour qu'est-ce qu'elle fout là? 17-18h, je l'ai écouté. Ah, ils l'ont pas fait From Jazz to Jazz? Si. Le truc de entre les deux, je sais pas. Vous savez, les auditeurs, si le From Jazz to Jazz a été fait, s'il vous plaît, vous pouvez nous appeler au 05 61 53 36 95 pour nous le dire, merci. On sait jamais, peut-être qu'il y en a qu'un ou une qui écoute. Alors voilà, donc je suis tout seul, encore une fois, le sous-chef il est parti, donc alors je vais dire des trucs de merde et tout. Enculé. J'ose pas les auditeurs vous insulter parce que moi je suis pas si blaireau que ça en fait. T'as à dire quoi, t'es pas un god? Non mais arrête. Je suis pas un god, je suis pas un god vivant. Non. C'est pas là, c'est pas ici en ce moment même. Ouais, moi je suis un asexuel. Alors tu sais. Je suis un nain. Combien? Soir, 11 ans d'abstinence. 11 ans d'abstinence de cul. Oh putain. En plus il dit la vérité quoi. Je dis la vérité. Le seul faut toujours mentir. Ah, tu sais pas, les aimerais, il faut toujours mentir à la radio. Je m'en fous. Tu dis, quand tu dis allez vous faire enculer aux gens, tu veux leur dire en fait je vous adore, vous êtes vraiment gentil, tu vois. Ah, d'accord, non, mais moi je suis vraiment premier degré. Ah, pardon, merde. Quand je dis allez vous faire enculer, c'est. Ah, ouais, c'est non, c'est. Façon, c'est vraiment ça, quoi. Tu pensais vraiment que j'étais en train de dire allez vous faire enculer aux gens, quoi. Mais non, c'est un truc d'expression libre, ça veut dire le contraire. C'est de l'art. L'art, c'est un mensonge. D'accord. L'art, c'est le mensonge, tu vois. J'apprends et on apprend tout. Il faut mentir pour être artistique, tu vois. D'accord. Ou tu peux être autiste aussi si tu veux. Ouais. Mais t'es pas obligé de mentir à ce moment-là. Mais tu peux le dire en plus que t'es autiste et tout. C'est ça qui est bon. Non, mais moi je suis pas autiste. T'es pas autiste? Non. Moi j'y suis allé hier. Mais pas ce soir, je me suis dit que finalement. C'est moi qui m'approche trop du micro avec le casque. Non, c'est plutôt qu'il y a les retours en fait. C'est moi qui ai pas mis le casque en fait. Oui, alors ce que j'écoutais ça. Ah, c'est ça. Donc si tu veux vraiment que ça sorte, ça. Degré zéro de la rythmique. Ouais, le simple coup. Le coup simple. Ici, on sample pas, on simple coup. On se pince les couilles ici. Ça rime en houille. Donc des clics, des clics, des clics et des clics. Ouais, c'était de la techno, c'était pas mal, hein. Oui, je veux que je le refasse. Allez, vas-y. Ouais, allez, vas-y. Ouais, allez. Ouais. C'était de la tech. Et maintenant, on va faire de la musique classique. Toréador, tes couilles ne sont pas en or, ni en argent, ni en fer blanc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Je peux faire du piano. Ouais, d'accord, attends, je te trouve un truc. Tu puisses en faire. Mais il faut surtout pas mentir, quoi. C'est genre. Alors, tu veux quoi? Tu veux. On aura la foudre. Ah, bah celui-là, il est bien, celui-là. Si, il marche. Il faut que je le règle aussi. On va faire de la grande musique ce soir, hein, n'est-ce pas? Mon invité. Et pense à un trou béant. C'est très important de s'imaginer être quelque chose que l'on n'est pas pour être inspiré de... Oh merde, j'ai perdu ce que je disais là. Du coup, je suis un peu paumé là, merde. Jean-Michel. Ah oui, ça, c'est mon, ma théorie. Jean-Michel Jarre, en fait, c'est le Johnny Hallyday de, des années 80. Ah, c'est une théorie, ouais. En 2012, on est en 2012. Voilà, Jean-Michel Jarre, quand il va faire des concerts, mon pote, pire que Johnny Hallyday. Puis avec des blaireaux, ils n'auront pas des perfectos, des vestes lamées courrèges. Et 72 ans au pied de la Tour Eiffel, tu vas voir. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi, tu sais. Effectivement, ça pose de... Ouais, bon, on va changer de méthode. Sur Canal Sud. T'entends? Je suis pas comme toi, moi. Je suis différent, t'entends? Je suis quelqu'un de bien, moi. Je suis pas une merde, moi. T'entends? Tu m'entends quand je te parle? J'entends rien. C'est fini. C'est fini maintenant. Maintenant, c'est fini, t'entends? Tu comprends plus rien, hein? Eh ben, il fallait comprendre avant de faire quelque chose. Il fallait comprendre tout. Justement, j'allais dire, tu veux pas me changer d'instrument? Oh, bon, d'accord. Non, mais pas le tien, le mien. Ouais, j'entends, mais il faut que je me concentre, tu vois. Attends, je vais t'en trouver un bien, tu vas voir. Bon, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, bien ou pas bien, c'est pareil. Ouais, bah on va faire une merde, alors. Voilà, moi, j'entends pas la musique. Moi la musique je chie dessus, alors c'est ça, parfait, ça me va très bien. J'entends pas les notes, je sais pas qu'est-ce que c'est. Tu vas pas t'énerver maintenant? Non, c'est pas ma faute moi. Je suis pas né avec une soupe d'argent dans le cul, tu vois. Je veux dire, c'était qui ça, hein? C'était qui t'est né avec une soupe d'argent dans le cul? C'est pas moi. Une soupe d'argent dans le cul, putain. Ah ouais, soupière, désolé, mec. Énorme. Non, soupière, ouais, t'as raison. Non, c'est vrai. Et puis, on a raconté le cas d'une meuf de 38 ans qui faisait 22 kilos parce qu'en fait elle avait mis 6 heures pour sortir du vagin de sa mère. À la naissance. Et alors à 6 heures, c'est quand même un exploit. J'ai entendu vagin et... Ça va faire partie de mes apports romanesques. Attends, ton instrument est prêt. Il est bien, hein. Faire celui-là peut-être. C'est à ce moment précis que je vous explique exactement ce que c'est une nuisance. Une nuisance, c'est de la merde qui vous encule toujours à sec et avec du gravier. Vous aviez bien compris ça déjà la première fois quand je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, nuisance, c'est une émission de bruitiste, bruit comme le bruit, vous entendez le bruit. Donc bruitiste, pas autiste, pas à chier ou de merde ou aller vous faire enculer, non, bruitiste, vous voyez. Et ça s'écoute plutôt après 22h parce que sinon le reste est censurable. Mais là, tu mens ou tu déments? J'étais en train d'expliquer, expliciter. Non, c'est du. C'est du au bien de basis connu peut-être. C'est du dément, c'est quand tu dément et que t'es un peu dingue ou c'est que. J'ai pas besoin de mentir pour ça. Alors tu mens pas, non? Tu mens pas? Je dément pas. Ah voilà, tu dément pas. Bah, c'est comme. Elle est comme. Arrêtez de dépenser, pensez. J'allais dire, allez vous faire. Mais j'ose plus maintenant. Allez vous faire penser avec des pansements aussi. Ouais, non, j'étais allé vous faire. Faire une putain de panse, la panse de cochon. Ah, je croyais une seringue. Panse de porc. Je croyais que tu parlais de seringue, mon gars. Genre, le truc à pas dire en France, c'est seringue. Juste, tu parles d'héroïne. Ouais, ou à shoot, comme au football. Voilà, c'est à shoot. Ouais, putain, il a shooté. Il a shooté dans la gueule. Il s'est claqué la gueule par terre. Éclater la gueule par terre, mec. Et ça c'est pas tout, hein. Il y avait quelque chose d'autre aussi. Et c'est bien quand même avec les machines automatisées, tu peux faire 8000 choses à côté de la musique. C'est trop bien. La musique en conserve. Alors ce phénomène, quoi. Bienvenue en enfer. En enfer, et c'est pour vous ce soir. Something wrong about all this. It's going nowhere. We're all gonna die. I mean, have you ever noticed something? Ever, you know? Have you? I don't think so. Just so full of shit, you know? just full of shit, you know? I mean, fuck you all. All of you, die. Die now. Bienvenue au Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous êtes sûr d'être là? Est-ce que vous êtes absolument sûr d'être là? Tu parles de mon cul quoi? Tu parles de mon cul là? T'as pas le droit de parler de mon cul comme ça, y'a que moi qui ai le droit d'en parler. Mon cul c'est de la merde, c'est du poulet en barre. Je l'encule tous les soirs et je sais pas comment finir avec une rime en arg. Ouais, c'est vraiment de la merde. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que j'étais en train de t'expliquer tout à l'heure. Donc on est ici pour faire que de la merde et en plus on n'est pas payé pour ça. Si on serait payé encore, ça irait. On perd notre temps. Ils nous prennent notre temps. trop bon et tout. Ouais. Oui. Would you like to make some noise? Yeah. Would you like to fuck me in the ass? No! Thank you. Le coca, c'est le sang des Indiens. Et le Pepsi, c'est le sang des Noirs. En fait, j'en ai rien à foutre du Japon, je vous encule tous. Ouais, vas-y, plus fort! Partage! Ouais, oh, what you got, Puka? Pas te faire enculer, bâtard! J'suis qu'une merde! Ouais! Ouais, ouais, on va te faire enculer, bâtard, ouais, je suis qu'une merde, ouais, ouais. Wouh. Sur fond de discussion sempiternelle, on va essayer de vous expliquer ce qui se passe ici. On, c'est moi, le gros con, et je vous encule. C'est ce qui se passe ici. Le gros con dans la tête à Al, c'est moi. Salut. Je suis un pote. Un bon pote. Ça fait peur, hein. Non, non, c'est le même. Toujours ce gros bâtard d'enculé de Hal. Ouh, enculez-moi, je suis un enculé, ouais. Vous êtes des enculeurs, des enculeuses. C'est quoi cette émission de merde? C'est un foutage de gueule. Quelqu'un veut du coke? Du Coca-Cola, je veux dire. Quelqu'un veut une clope? C'est dehors qu'il faut se la taper dans le cul, je veux dire. Il est 22h20, on peut dire ce qu'on veut en France, c'est un pays libre, égal et fraternel. Pardon. Et à propos de général. Où est le général? Il est mort, le général! Oh! Vive le général! À dire, je vois. Ah, vraiment, quelle merde. Ouais, parle plus fort, on t'entend pas. Quoi, tu m'as dit quoi? Tu m'as fait un gros doigt dans le cul, tu sais. Tu m'as insulté avec ta main, t'as fait un signe de la main envers moi, tu sais. Envers moi? Moi? C'est moi que t'as insulté là? Je vais me tuer, attends, t'entends? Je vais me tuer devant toi si tu continues comme ça. Arrête maintenant. Ouais, vas-y. Bon, les filles, elles portent pas de baguie, heureusement, c'est pas des femmes. Non, les filles, c'est des filles. C'est des filles. Ouais, c'est un spécial dédicace aux filles, et moi, t'as pas de baguie de merde. Les baguies, mais pourquoi tu veux les pseudo-skaters. Comme les pseudo-skaters. C'est pas la même chose. Comme les pseudo-skaters. Comme les pseudo-skaters. Une fille ou un mec, c'est pas un baguie, mec. Ah, comment t'as pu dire ça? Avec les bobos, il y a un truc qui m'énerve encore plus, mais c'est les cums qui ont des chaussures sans lacets, ouais. Et les baguilles pour faire genre tolard à 2 balles. Ah ouais, 2 balles, ouais. T'as raison, ouais. C'est vrai. Maintenant, j'avais un truc à dire. Est-ce que t'as remarqué quand t'as des baskets de relou qu'on t'a glacé, tu peux aller en prison et garder tes chaussures. Ouais, tu te prends le cul avec une batte. Ouais. Non, pardon, excusez-moi, j'ai cassé le délire. Eh bien, le vocodeur. Ouais. Mais moi, je suis un ancien, c'est pour ça. Moi, je suis un vocodeur. Toi aussi, ouais. Mais c'est pas la nostalgie, mon pote. Non, c'est de la merde. Nostalgie, c'est bien. C'est du caca, c'est menti. Du caca, c'est menti. Comment tu peux dire ça sur le caca? T'es vraiment dégueulasse. Ah, t'es plus mon pote. T'entends? Allez, c'est pas une insulte. Non, tu n'as rien à foutre. Je n'ai rien à foutre des insultes, moi. Non, on recommence. Je suis à la limite. Ouais, je suis d'accord avec toi, t'es à la limite de vraiment exploser là, tu vois. Ouais. Alors si tu pouvais arrêter de péter avec la gueule, ce serait cool, tu comprends? Oh, j'ai dit un mot trop. Pardon, excuse-moi, je dirais plus péter, je dirais caca. Merde. Prout anal. Je dirais plus jamais ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois. Anarchie de merde. Ouais, t'as raison. L'anarchie, c'est de la merde. Dis-le fort. Qu'on fait le dire plus souvent. L'anarchie, c'est la merde. La merde dans laquelle on est. On meurt dans la même merde. C'est l'anarchie. Et du dieu en combat de merde. Ouais, le caca c'est super, j'en fais tous les jours. Ja merde, ja merde, ja merde, ja merde. Ja, ja, t'es vraiment qu'une merde. Spécial dédicace à Jolie. Ouais, vas-y, dealer mec. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais faire des cons, on veut vraiment faire quelque chose de sérieux tout de suite. Ouais, allez, on continue et ça recommence. Et c'est la merde. Mais c'est pas pornographique. Nous n'en fait pas du commerce. De la merde. Pas comme les autres. C'est qui les autres? Tous les autres. C'est tout le monde, les autres. Ethnocide. Oh non. Oh, parle pas comme ça. Nucléaire. Comme ça. Ethnocide. Thank you. été. Tu es fier de moi ? Ouais, ça m'intéresse. Tu veux bien répéter encore ? Tu es fier de moi ! Cool. Yeah. même pas ça. La tour, c'est de la merde pour les enculés qui ont ça à foutre. Autant se branler en matant des films de boules avec un god. Oh god, un cul. La la la la, un god, un t'es vraiment quelqu'un de bien. Oh, j'adore ce que tu fais. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de preuve d'amour. Il n'y a pas de preuve d'amour. Il n'y a pas de preuve d'amour. Il n'y a pas de preuve d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a que des preuves d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, pas d'amour. Allez vous faire foutre. Ouais. Ouais, et enculé, foutre. C'est pas une insulte, enculé, c'est pas une insulte. C'est même trop bien. Allez vous faire enculé. Sur le bord de la Garonne, par les keufs et la BAC. Et Monsieur Hollande, le président, est super beau et heureux aussi comme moi. Oui, oui, faut pas mettre le mot enculé à côté d'une autre phrase, avec un point entre les deux, avec le mot « Président de la République », ça se fait pas. Je veux dire, faut pas mettre le mot « enculé EER » comme le verbe « enculé » dans le même paragraphe que le mot « Président de la République ». Ça se fait pas. Je vous rappelle que ceci est une émission artistique, culturelle, d'expression libre. Ce qui est interdit. Par définition même de liberté, qui est limitée par les autres. Par l'autre même. C'est pour ça que je l'encule l'autre. Pour lui prendre sa liberté. Et ça me rend heureux. Et ça me rend heureux, ouais. Ouais. Thank you. deserve to die. Kill me, please kill me. Kill me, kill me, I wanna die, yeah. From your own hands, your own fucking hands, all you others there. Thank you.

Thank you. Oh pardon, j'ai laissé couper comme ça avec du silence, mon Dieu pour une fois, un peu de tranquillité sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net pendant l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances avec Al et l'anonyme ce soir. Donc nous sommes le vendredi 29 juin 2012, il est approximativement 23h23min35s. Et nous allons approximativement vous faire chier encore pendant à peu près le temps qu'on voudra, quoi. Donc à voir avec l'anonyme et moi. Donc je sais pas trop, on va voir. Vous voulez qu'on vous mette quoi? On peut vous mettre de la grande musique, de la belle musique. Ah ouais, de l'opéra. De l'opéra, voilà. Ah tiens, j'ai de l'opéra. Ah bah d'accord, y a pas de problème, je m'en occupe. Sound. Nickel. Sound. Et ensuite ça doit être là. Je vais le chercher, donc je vais sûrement zapper, donc vous inquiétez pas, je vais zapper pendant 2-3 secondes et je vais trouver à force. fuck. Yeah. direction de l'auréole. Vous êtes bientôt en auréole. Les linéaments sont favorables. Suivez la ligne. La ligne est belle. La ligne est belle. Assez longue et périlleuse de notre part, nous sommes vraiment les meilleurs et les pires à la fois. Ose, jusqu'au bout, oh Sarkozy, ose. Maintenant on peut casser du sel sur le dos de Sarkozy. Super. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire sur Sarkozy? Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, c'est Nuisance. Qui cesse? Quelque chose à rajouter? Nothing to do! Ok. À vendredi prochain. Même heure, même fréquence, donc le 92.2 FM Hertzien. Hertzien, pardon. Canal Sud, ouais. Ouais, donc j'étais en train de parler. Putain, c'est quoi cette horreur là? Oh là là, alors bienvenue sur Canal Sud. Vous écoutez une bande son qui passe avec un robot qui appuie sur des boutons. C'est de la belle et grande musique. Comme vous pouvez le voir et le constater, on est comme des cons. Bon, on va essayer de combler un peu le vide. Thank you. retente notre chance sur le PC de diffusion de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est bientôt minuit, nous allons parvenir peut-être à vous trouver un morceau agréable ou désagréable plutôt, on va dire, pour que vous puissiez passer la nuit dessus. Ah, allez, ça me va, allez, on se barre.